Section 41 de la lecture, tome 2e. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. La lecture, tome 2e. Section 41. L'adoré par René Mézeroy. Février 1886. Elle tient sa parole. Nous ne sommes plus que deux camarades qui vivent dans le même logis. Depuis 5 semaines, je n'ai pas effleuré son front. Je ne suis pas entrée dans sa chambre. Je ne l'ai pas possédée. Je suis comme une bête qui va et vient au milieu de sa cage, qui a faim, qui a soif, et qu'on laisse hurler derrière les barreaux infrangibles, qu'on abandonne sans pitié. L'honnête femme qui se garde pour son amant, qui ergote avec sa conscience et n'hésite pas à torturer le malheureux dont elle souille le nom. Certes, j'aimerais mieux qu'elle se cache, qu'elle joue 100 fois la comédie, qu'elle m'illusionne et me grise de mensonges. J'ai peur de moi-même quand elle m'effleure de trop près, quand je la respire, quand mes yeux se posent sur sa bouche, erre sur les contours désirables de son corps. Je n'aurai qu'à la jeter bas sur un divan, qu'à l'étreindre de mes bras raidis, qu'à la prendre de force puisqu'elle se dérobe, puisqu'elle me vole son amour et sa beauté. Et elle a une telle puissance sur mon être que je m'apaise tout à coup, que je m'abaisserai jusqu'à la supplier, jusqu'à m'agenouiller, jusqu'à mendier le bonheur qu'elle me refuse. Les journées passent à peu près. Je ne la vois pendant les repas et quelques instants au salon. Nous faisons parfois ensemble des visites. Puis le club où l'on s'étourdit du bavardage des autres, des histoires gaillardes qui courent, où l'on feuillette un journal, où l'on s'intéresse à une partie. Mais les nuits sont interminables, ces nuits d'hiver où il ne fait jour qu'à 7 heures, où le roulement des voitures s'amortit dans la neige. Je ne parviens pas à m'endormir. J'essaye en vain de chasser l'idée fixe, d'absorber la fièvre de mon cerveau en quelques calculs minutieux et abrutissants, en des problèmes âpres. Mes tempes bourdonnent, claquent sur l'oreiller, les draps me brûlent la peau. Et je me lève, je marche à travers la chambre, j'écris des lettres, je fume des boîtes entières de cigarettes. Je bois des grogs, du champagne par grand verre, sans avoir soif. Et comme si quelque force magnétique m'attirait, avec des précautions de voleur, j'ouvre la porte, je m'en vais pieds nus, retenant mon souffle, tremblant de tout le corps, jusque dans le cabinet de toilette de Marthe. Je rôde parmi ses robes, parmi ses parfums, parmi les serviettes avec lesquelles tout à l'heure elle s'est essuyée, et par le vitrail japonais où s'épanouissent de larges fleurs de magnolier, je regarde le vaste lit où elle dort paisiblement, peut-être avec de beaux rêves, les peaux d'ours où s'enfoncent ses mules, où elle a posé ses tout petits pieds blancs et roses, la lanterne d'église où crépite la veilleuse, et je pleure comme un exilé qui, avant de partir, de gagner la route poudreuse, contemple encore la maison où il vivait heureux, où il aimait les champs sur lesquels ont peiné ses ancêtres et les collines bleues qui limitaient son horizon et ses rêves. Fin de la section 41, enregistrée par Margot.